Ok, on commence, Inch'Allah. Bismillah. Bismillah, walhamdulillah, wassalat, wassalam, wa ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man walahu, amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours 47 dans l'explication du livre de l'imam al-Sabuni, rahimahullah, Aqidatu al-Salaf, wa ashab al-Hadith. Et on est arrivé depuis deux cours à peu près, on a fait un chapitre sur la question de la foi, et c'est-à-dire la définition de la foi selon Ahlus Sunnah wal Jama'a ou Ashab al-Hadith, les gens du Hadith et les gens de la Sunnah. Et on a expliqué que ils ont défini la foi comme étant une parole et une action. Wa alaykoum salam. C'est-à-dire que la foi, elle est composée de la parole et de l'action, et elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec les bonnes œuvres et elle diminue avec les péchés. Donc on a mentionné des preuves à ce sujet-là au dernier cours. On a établi la preuve à ce sujet-là dans le Coran et dans la Sunna. Donc maintenant, l'imam al-Sabuni, il cite maintenant d'autres narrations à ce sujet-là. Et il dit « Akhbarana Abu al-Hasan ibn Abi Ishaq al-Muzakki حدثنا أبو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى الزهري ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا حدثنا الحميدي حدثنا يحيى بن سليم سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل وسألت هشام ابن حسان فقال قول وعمل وسألت ابن جريج فقال قول وعمل وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل وسألت المثنى ابن الصباح فقال قول وعمل وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. Donc on va traduire cette partie. Ici, l'imam As-Sabuni, rahimahullah, il mentionne des narrations ici de plusieurs d'entre les savants, les imams de la Sunna. Lorsqu'on les a questionnés, on leur a donné la question au sujet de la foi et qu'est-ce que c'était la foi. Ils ont tous répondu, ils ont demandé à 10 parmi les fuqaha, les savants, au sujet de la foi. Ils ont dit « qawlun wa amal ». Qawl, ça veut dire la parole. Wa amal, c'est-à-dire les actions. Donc, ça veut dire que la foi comprend les paroles et les actions. Et on va expliquer les détails de ça. Parce qu'il y a la parole du cœur, et il y a la parole de la langue. Et il y a ensuite l'amal, l'action. L'action du cœur et l'action du corps. On va définir chaque élément. Et il dit ensuite, on a demandé à Hisham ibn Hassan. Il a dit la même chose. Qawlun wa amal. Parole et action. Ibn Jurayj, il a dit parole et action. Sufyan al-Thawri, un des grands imams parmi les imams de la Sunna, il a dit qawlun wa amal. Parole et action. Al-Muthanna ibn Sabah, il a dit une parole et une action. Muhammad ibn Muslim al-Ta'ifi, il a dit la même chose. Une parole et une action. Sa'altu Fudayl ibn Iyad, un parmi les grands adorateurs, un des grands savants aussi, il a dit qawlun wa amal. Et Nafi' ibn Umar al-Jumhi, il a dit une parole et une action. Et un autre imam également, Sufyan ibn Uyayna, il a dit qawlun wa amal. Donc ils ont tous répondu ça. Et de toute façon, c'est un consensus, yani, chez les imams et chez tous les salafs, que l'action est composée des paroles et des actions. Et la raison pourquoi ils affirment ça, c'est parce que c'est établi par le Coran et la Sunna. Il y a les preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna. Et en même temps, il y a des gens qui ont dévié à ce sujet-là, qui ont nié ça. Et bien entendu, c'est des gens qui ont interprété la foi selon des définitions philosophiques ou linguistiques. Et à cause de ça, ils se sont éloignés de la vérité parce qu'ils ne se sont pas inspirés, ou plutôt ils ne se sont pas laissés guider par la révélation pour définir la foi. Ils ont essayé de définir la foi selon leur raison, selon le langage ou selon la logique ou la philosophie. Et à cause de ça, ils ont dévié. Wa alaykoum as-salam wa rahmatullah. Donc, ici, le Cheikh Rabi' hafizallah, il fait un commentaire sur ce passage. Il dit, qala al-mu'allif, et là, il cite la narration au complet. Et puis, il dit, ha'oula al-a'imma, min mukhtalif al-amsar, kulluhum yaqulun al-imanu qawlun wa amal. بخلاف المرجئة الذين ينكرون أن يكون العمل من الإيمان ويقولون فيقولون الإيمان إما المعرفة وإما التصديق إما المعرفة وإما التصديق بالقلب وباللسان وأما أهل السنة فعندهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وإذا سئل العالم عن الإيمان فاقتصر على قوله الإيمان قول وعمل فهل يصير مرجئا عندنا مذهب جديد الآن وهم الحدادية إذا قال العالم أو طالب العلم الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص ينقص وينقص إلى أن يبقى منه مثقال ذرة يصير مرجئا عندهم يعني يخترعون أصولا تهين أهل السنة أو نعم تهين أهل السنة وترميهم في حمأ البدع وهؤلاء الأئمة العشرة مبتدعة الآن على مقتضى منهج هؤلاء الحدادية لأنهم يقولون الإيمان قول وعمل فقط بل لا يقولون يزيد وينقص ولكن السائل يعرف ويعتقد أنهم يقولون بالزيادة والنقصان ويذكر البخاري أنه لقي أكثر من 1000 شيخ من أهل العلم يعني كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص عليكم السلام لا يقولون حتى لا يبقى منه شيء على مذهب الحدادية الخبيثة التي أنشئت لحرب أهل السنة وإشغالهم عن الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى دين الله الحق يعني يشاغلونهم ويشتمون بهم ويشمتون بهم الأعداء وكم لهم من الأصول الخبيثة التي تقتضي تبديع أئمة الإسلام ولهم طعن صريح في أئمة الجرح والتعديل ولم يعتذروا منه إلى اليوم فهم أعداء للمنهج السلفي وأئمته يتظاهرون بالسلفية لأن التظاهر بالسلفية أنكى للمنهج السلفي مما لو كانوا ظاهرين بالبدعة إذ وأنا أعتقد أن فيهم زنادقة وروافض مدسوسين معهم لا هدف لهم إلا تشويه المنهج السلفي والطعن فيه والطعن في أئمته ويتسترون مع الأسف الشديد خلف بعض العلماء الذين لم ينتبهوا لمكايدهم ومكرهم وخبثهم الآن المواقع الخبيثة للروافض وغيرهم يشمتون بأهل السنة ويعتبرون الحدادية من أهل السنة ويقولون أهل السنة الآن الوهابية مختلفون نحن نقول لهم هؤلاء ليسوا من أهل السنة يعني هم مثلكم أعداء للسنة وأشد منكم عداوة لأهل السنة لا تظنوا أيها الروافض ولا تفرحوا أن أهل السنة انقسموا إنما هذه فئة مدسوسة على المنهج السلفي لتشويهه وإسقاط علمائه ولهذا بدأ الحداد بابن تيمية يطعن فيه وفي ابن القيم وفي العقيدة الطحاوية وغيرها وهم الآن شر منهم في مرحلتهم الأولى، شر وأكذب، يعني كذب وخيانات وفجور، حرب لا تهدأ إلى يومنا هذا. الناس حتى الروافض مشغولون بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا شغل لهم إلا الطعن في أهل السنة. فئة خبيثة أنشئت لأهداف خبيثة، الطعن في أئمة السنة وإسقاطهم وإسقاط منهجهم. كم لهم من القواعد الآن، ومنها هذه القاعدة التي تعود بالشر والطعن في العلماء. الآن عندنا 10 علماء، منهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، كلهم يقولون الإيمان قول وعمل، ولم يذكروا الزيادة والنقص، فهم مبتدعة على المذهب الحدادي، يعني مبتدعة ومرجئة. بل عندنا البخاري وأكثر من 1000 شيخ من شيوخه يقولون الإيمان قول وعمل، ولا يذكرون زيادته ونقصانه. وسأل ابن أبي حاتم أبا زرعة، يعني سأل أباه عن المذاهب، يعني سأل ابن أبي حاتم أبا زرعة، سأل أباه عن مذاهب أهل السنة في أصول الإيمان، وما يعتقده علماء الأمصار، وما يعتقدانه هما. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يعني علماء الأمصار جميعا وقبلهم الصحابة ما قالوا ينقص، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. إذا قال الإنسان ينقص، يعني ينقص حتى لا يبقى منه شيء، فلا بأس. ولكن هل لا بد من أن يقول هذا؟ إذا لم يقل فهو مرجئ؟ هذا حكم مرجئ على الصحابة، هذا حكم مجرم على الصحابة وعلى التابعين وعلى أئمة الإسلام جميعا، فإنه يلزم من منهجهم هذا أنهم مرجئة. وهذا سفيان بن عيينة رحمه الله أحد 10 الذين سألهم هذا الشخص، قال: الإيمان قول وعمل فقط. ويمكن بعد فترة في مناسبة أخرى قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومرة يقول الإيمان قول وعمل، ومرة يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ويسكت. ومرة حركه أخوه باعتراض، ولما قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، تقول ينقص؟ فقال: أسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. يعني فهمتهم خطورة هذا المنهج الخبيث، لهم قواعد أنشأوها واخترعوها بجهلهم، يعني جهل مطبق وضلال، وفيها طعن في أهل السنة، إذ إنه ما من بلية يخترعونها إلا وتعود بالطعن على أئمة الإسلام. ومنها هذه القاعدة التي ذكرناها، حيث حكموا على من يقول الإيمان يزيد وينقص حتى يصير كالجبال، وينقص وينقص وينقص حتى لا يبقى منه مثقال ذرة، إلا مثقال ذرة. وفي نفس الدرس قال: حتى لا يبقى منه شيء بالإرجاء. فقالوا هو مبتدع مرجي. فما قولهم في الذي يقول الإيمان قول وعمل ويسكت؟ هو مرجي عندهم من باب أولى، أنه ما ذكر الزيادة ولا نقصانا، لا ذكر زيادة ولا نقصانا. فهؤلاء 10 منهم سفيان بن عيينة يقولون فقط الإيمان قول وعمل، وألوف منهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويسكتون ولا يقولون حتى لا يبقى منه شيء. ولم يثبت عن أحد قال هذا الكلام إلا عن سفيان بن عيينة في حالة غضب كما سيأتي. نعم، قل حتى لا يبقى منه شيء، ولكن هل هذا يطرد في جميع الناس؟ كل من نقص إيمانه كفر؟ هذا منهج الخوارج مذهب تكفيري، وأظنهم يريدون هذا، فقد ينقص إيمانه ويبقى منه شيء، ويبقى مقدار دينار، مقدار نصف دينار، ويبقى أكثر من ذلك، ويبقى مقدار درهم، يعني مقدار نصف درهم ومثقال حبة شعير إلى أدنى مثقال ذرة من إيمان، وقد لا يبقى منه شيء. والخلاف بيننا وبين الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة، الخوارج يعني سنقف هنا ونترجم ما قرأناه إلى الآن. Donc j'ai lu un long passage. Pourquoi? Parce que le cheikh il rentre dans des explications de certaines questions et c'est nécessaire de, yani, de lire au complet pour bien comprendre de quoi il parle exactement. Parce que c'est, parfois il clarifie certaines questions qui ont rapport avec ce sujet, qui touchent à des éléments spécifiques à notre époque et qui parlent de certaines personnes qui ont dévié sur certains sujets et des questions précises. Donc le cheikh il élabore un petit peu là-dessus et donc c'est bien d'aller jusqu'au bout. Donc on a lu l'explication, ici le cheikh il explique que l'imam As-Sabouni, il a lu donc la citation qu'on a mentionnée des 10 ulama, hein, on a demandé à 10 parmi les fuqaha à propos de la foi, ils ont tous dit qawlun wa amal, c'est-à-dire que la foi elle comprend les paroles et les actions. D'accord? Donc, le Cheikh Rabi, il a expliqué cette citation-là, parce qu'il y a plusieurs noms qui ont été mentionnés dans cette citation-là. Entre autres, parmi les grands ulama et les imams, Sufyan al-Thawri, Fudayl ibn Iyad, Sufyan ibn Uyayna, et d'autres également. Donc, le Cheikh, il dit, ces imams, ils viennent de différentes villes. Hein? Ils viennent tous de différentes villes. Soufiane ibn Uyayna, il était à Mecca. Soufiane al-Thawri, il était à Al-Basra. Et yani, c'est des imams, des grands ulama de l'islam, des grands ulama du hadith, de villes différentes, mais malgré tout, si tu leur poses la question à propos de la foi, ils te donnent tous la même réponse. Pourquoi? Parce que c'est la même aqidah. C'est la même aqidah, c'est le même manhaj. Le manhaj des gens de la sunna, le manhaj du Coran et de la sunna et de la compréhension des salafs. Donc ils disent la foi, ça comprend les paroles et les actions, contrairement aux murji'a qui eux, ils refusent d'affirmer que les paroles et les actions font partie de la foi. Parmi les murji'a, ça c'est une des sectes, parmi les sectes d'égarement qui sont apparues dans la umma, eh bien eux ils disent la foi c'est seulement, soit il y en a parmi eux, les extrémistes, ils disent que c'est seulement la connaissance. On a parlé de ça. La dernière fois, on a dit ça, c'est les Jahmiyyah. Parmi les Murji'a, il y a une secte qu'on appelle les Jahmiyyah. Eux, la foi, pour eux, c'est la connaissance. Donc, ça veut dire que pour eux, Iblis, il est un croyant. Et Pharaon, il est un croyant. Hein, à cause de ça, parce que leur définition, c'est du moment que tu connais Allah, tu es croyant. Et on sait très bien que la foi, c'est plus que ça. C'est pas seulement de connaître, mais c'est de croire. Mais est-ce que de croire, c'est suffisant? Il y en a parmi les murji'a qui ont dit justement que la foi, c'est juste de croire dans le cœur. Même si tu dis pas de parole, même si tu fais pas d'action. Ça aussi, c'est un égarement. Donc, ceux qui ont dit que la foi, c'est seulement de connaître, eh bien, ils n'ont pas compris la foi. Parce que ça les amène à dire que Iblis, c'est un croyant et que Pharaon, c'est un croyant. Et d'autres qui disent que la foi, c'est seulement de croire dans le cœur. Même si tu dis rien, même si tu fais rien. Hein? Même si tu fais tous les péchés du monde, et même si tu ne fais aucune obligation, et tu fais les pires crimes, tu es un croyant, autant que les prophètes, et que les anges, et que les pieux, et que les sahaba, et ainsi de suite. Et tout le monde est égal dans la foi, ça c'est de l'égarement. Et il y en a d'autres, une autre secte parmi les murji'a, ceux qu'on a mentionnés qui disent que c'est seulement de croire dans le cœur, ça c'est les Asha'ira. C'est une autre secte parmi les murji'a qui sont les Asha'ira. Et les Maturidiya aussi. Et il y a un autre groupe qu'on appelle Murji'atul Fuqaha, qui sont les Ahnaf. Eux, ils disent que la foi, c'est le croire dans le cœur et de dire avec la langue. Mais les actions, non. Les actions n'entrent pas dans la foi pour eux. Et ça aussi, c'est un égarement. Hein? Mais ce groupe, parmi le groupe des Murji'a, c'est eux qui sont les moins égarés par rapport à cette bid'a des Murji'a. C'est-à-dire, les plus égarés, c'est les Jahmiya, ensuite les Asha'ira, et ceux qui sont les plus proches, si on veut, sont les Fuqaha, Murji'atul Fuqaha. Et eux, ils disent, c'est de croire avec le cœur et de prononcer avec la langue. Donc, ils ont inclus la langue. Et la langue fait partie des actions. De parler, le parler, le fait de dire le shahadatain et des choses de ce genre. Ils ont inclus ça. Mais ils n'ont pas inclus les actions, donc ils ont dévié à cause de ça. Naam. Quand tu dis d'où ça vient, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire d'où ils viennent géographiquement? C'est-à-dire que il faut comprendre que ce sont des... C'est-à-dire que... Ok. Toi, ta définition... Quand tu dis Shia, par exemple, tu les connais, on sait d'où ils viennent, mais dis-toi qu'il n'y a pas seulement une seule secte qui a dévié dans l'islam. Les Shia, déjà, les Shia, il y en a plusieurs sectes qu'on appelle Shia. Il n'y a pas juste une seule. Et parmi les Shia, il y a les, par exemple, les Ismaïliyah, il y a les Ithna Ashriyah, il y a les Druzes, il y a les Zaydiyah, et il y a Nusayriyah. Il y en a beaucoup. Et même parmi ces sectes, il y en a qui sont des sectes qui sont divisées en plusieurs sectes. Hein? Les Ismaïliyah sont divisés en yani Al-Buhara et les Agakhaniyah, ce qu'on appelle Agakhaniyah. Et il y en a beaucoup d'autres encore. Donc, c'est pour dire que les gens de Bid'a, par leur nature même, ils sont toujours inclinés vers la division. Parce que la Bid'a, elle est reliée à la division. De la même manière que la Sunna, elle est reliée à l'union. C'est pour ça qu'on dit Ahl Sunnati wal Jama'a. Al Jama'a, ça veut dire qu'on est ensemble, on est réunis. Tandis que les gens de Bid'a ont dit « Ahlul Bid'ati wal Furqa ». Al Furqa, ça veut dire le fait de se diviser. Hein? Et donc, du moment que quelqu'un rentre dans la Bid'a, il appelle à la déviation et à la division automatiquement. Et les gens de Bid'a, ils se divisent entre eux également. Et il y a beaucoup de Bid'a qui sont apparus à travers les siècles. Quand ils sont apparus pour différentes raisons. Et on a mentionné ça au dernier cours. Il y en a qui apparaissent à cause de l'ignorance. Il y en a qui apparaissent à cause des passions. Il y en a qui apparaissent à cause des raisons politiques. Il y en a qui apparaissent, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire des gens qui viennent de l'extérieur de la Ummah, qui s'infiltrent à l'intérieur pour créer des divisions. Et ils inventent des croyances et les propagent parmi les musulmans pour les diviser et pour créer des problèmes entre eux. Et il y en a d'autres, c'est des gens qui sont à l'intérieur de la Ummah, qui sont musulmans, mais qui ont été séduits par des idées étrangères ou des croyances étrangères et qui ont adopté ces croyances-là et commencé à appeler les gens à les suivre. D'accord? Donc, ça a fait en sorte que des gens sont arrivés avec ces sectes-là et les ont propagés. Il y en a qui ont été séduits par la philosophie et qui ont adopté des idées qu'ils ont puisé de la philosophie, qui les ont amenés à remettre en question des éléments qui sont connus dans le Coran et dans la Sunna, et à les renier ou à les rejeter. Et à cause de ça, ils ont inventé des nouvelles sectes. Et c'est de là que ça vient. Tous ces égarements-là viennent de ces origines et de ces différentes sources. Et parfois, ça vient d'une personne au début, et cette personne, elle invite d'autres, et après, quand ils sont devenus un grand nombre et qu'ils sont assez forts, eh bien, après, ils se propagent et parfois même, ils réussissent même à prendre le pouvoir dans certaines régions du monde musulman et à imposer leurs croyances par la force. Et ça, c'est arrivé aussi dans l'histoire. Naam, tu voulais dire quelque chose? En fait, c'est un juif qui s'est prétendu musulman. Et les ulama, ils disent, lui, c'était Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba, qui venait du Yémen, il s'est fait passer pour un musulman. Mais il cache sa croyance juive. Il est rentré parmi les musulmans et s'est infiltré dans la Ummah pour diviser les musulmans. Parce que Il y a beaucoup de... Quand l'islam a commencé à se propager dans le monde, et que l'islam est sorti en grande force, l'islam était tellement puissant qu'aucune puissance étrangère n'était capable de s'y opposer militairement. Et à cause de ça, ils ont compris qu'ils n'étaient pas capables d'affronter les musulmans de l'extérieur et de les combattre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des ruses. Et ils ont utilisé des méthodes comme justement le fait de s'infiltrer à l'intérieur et de créer de la fitna, de la zizanie, et d'inventer des mensonges et de les propager pour diviser les gens sur le plan de la croyance et sur le plan politique aussi. Soit de diviser les musulmans dans leur croyance, ou soit de diviser les musulmans politiquement pour qu'ils soient raffaiblis, pour qu'ils s'affaiblissent, et dans le but d'être capables de les combattre par la suite militairement, hein, ou d'arriver à cet objectif-là. Et Abdullah ibn Sabah, c'est lui donc qui était à l'origine des croyances qu'on appelle les croyances des Shi'as aujourd'hui, ce qu'on appelle les Shi'as. Mais en réalité, la plus importante des sectes, parmi les sectes Shi'as, c'est les Rafidah. Et les Rafidah, ils ont plusieurs noms. On les appelle Rafidah. On les appelle Ithna Ashariya, parce qu'eux, ils croient en 12 imams. Et c'est-à-dire que 12 parmi les descendants d'Ali, radiyallahu anhu, ils disent que eux, c'est leurs imams. Et ils donnent à ces imams des attributs divins. Hein? Ils sont presque des demi-divinités, si on veut. Bon, Khomeini, ça, c'est pas un des imams. Mais c'est leur théorie de wilayatul faqih. En l'absence de l'imam, ils disent en l'absence de l'imam, il peut y avoir un des fuqaha qui prend la place. Hein? Parce que les rafid, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour dire que yani, les rafid, on les appelle soit Ithna Ashriya, les 12 imams, on les appelle aussi Al-Imamiyya, à cause du fait que justement ils croient un certain nombre d'imams. Et aussi on les appelle Al-Ja'fariya. Ils se font appeler Ja'fariya. Et souvent quand ils veulent parler de leur madhab ou de leur voix, ils disent nous on est le madhab Al-Ja'fari. Et la raison de ça, c'est parce qu'ils essaient de présenter leur islam comme étant une divergence dans le fiqh, comme les divergences qui existent entre les quatre madhahib de Ahl-Sunnah. Al-Malikiyya, Al-Shafi'iyya, Al-Hanabila, Al-Hanafiyya. Ça, c'est des divergences entre les musulmans de Ahl-Sunnah dans le fiqh. Et ça n'a rien à voir avec les divergences qu'on a avec les Shi'as. Parce que les Rafida, leurs divergences sont dans les fondements de la croyance. Pas seulement dans les divergences dans le fiqh seulement. Donc c'est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus grave. Tandis que les divergences dans les madahib al-fiqhiyya, ça c'est des divergences, des questions, souvent c'est des questions d'ijtihad, des divergences dans la compréhension, mais pas dans les fondements. Dans les fondements, ils sont tous d'accord. D'accord? C'est ça. Mais l'origine du mot Rafida, on les appelle Rafida parce qu'ils ont refusé un des petits-fils de Ali radiallahu anhu qui s'appelait Zayn Abidin et s'appelait Zayd, je pense, ou en tout cas un d'entre eux. Yani. Et quand ils lui ont posé la question à l'époque, quand il était vivant, ils lui ont posé la question, qu'est-ce que tu dis à propos d'Abu Bakr et Omar? Et il a refusé de les insulter. Il a dit non, ce sont les sahabas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les, yani, il n'a pas voulu les dénigrer comme les rafidas, eux dénigrent les sahabas, en particulier Abu Bakr et Omar, ils détestent les shi'as, rafidas, ils détestent Abu Bakr et Omar. Donc, quand lui, il n'a pas voulu les insulter, ils l'ont refusé. C'est-à-dire, ils l'ont refusé comme un de leurs imams. C'est pour ça qu'on les appelle Ar-Rafida. D'accord? Et tous ces noms-là, en fait, c'est des appellations qu'on utilise pour les distinguer des autres, parce qu'il y a différentes sectes shi'a. Et par exemple, Al-Ismailiyya, eux, contrairement au Rafida, ils ne croient pas en 12 imams. Ils croient juste en 8 imams. Après le 8e, ils ont divergé. Parce qu'ils ont divergé entre eux selon, à propos du nombre des imams qu'il devrait y avoir en total. Et certains, parfois, ils ont divergé entre qui devait être le successeur d'un imam. Hein? Des fois, un imam, il avait plusieurs fils. Et eux, ils disent en principe, c'est le premier qui doit être imam. Mais parfois, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le premier, il est mort. Alors, ils ont choisi le deuxième. Et tout ça pour dire, yani, ils se sont divisés sur ça aussi. Et ça, à la base, c'est même pas un élément qui fait partie de la religion. Mais eux, ils en ont fait un fondement. Parce que pour eux, l'imam, c'est la base de l'islam. Il n'y a pas d'islam pour eux. Il n'y a rien dans l'islam qui est plus important que ça. Eh non, c'est ça. Allah al-Musta'an. Donc, tout ça pour revenir à la question maintenant de la foi, comme on a dit. Tandis que les gens de la Sunna, dans leur définition de la foi, ils disent que c'est, hein, la foi, c'est une parole et une action, elle augmente et elle diminue. Donc, on dit la parole du cœur, c'est la croyance, la parole de la langue, et la croyance du cœur, c'est les actions. Pardon, les actions du cœur, c'est... les actions du cœur, c'est comme par exemple la crainte, l'amour, l'espoir, mettre sa confiance en Allah, et toutes les adorations du cœur. Ça, on dit, c'est les actions du cœur. Et les actions du corps, c'est-à-dire les actions que tu fais avec tes membres. Donc la salat, le hajj, la zakat, et ainsi de suite, siyam, et ainsi de suite. Donc tout ça, ça fait partie de la foi. Et ta foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec les bonnes œuvres, elle diminue avec les péchés. Et donc, le cheikh, il dit, parce qu'il y a un groupe qui est apparu à notre époque, qui se prétend faire partie des gens de la sunna, et qui se présente même comme étant des salafis, mais c'est des gens, en réalité, qui sont des extrémistes. OK? Et on les appelle Al-Haddadiyya. Et c'est des gens, en fait, qui sont les plus durs que tu peux imaginer. Contre qui? Non pas contre les ennemis de l'islam, non pas contre les ennemis de la sunna, mais contre les salafis eux-mêmes. Donc, c'est des gens qui se disent salafis, qui se disent sur la sunna, mais leurs plus grands ennemis, c'est les ulama de la sunna. Et ils cherchent chez eux les erreurs, et ils les attaquent, ils les insultent, ils les dénigrent, ils les critiquent, hein, et ils n'ont de pitié, hein, envers aucun d'entre eux. Donc, le cheikh, il parle de ce groupe-là qui est apparu à notre époque, qu'on appelle Al-Haddadiyya. Et la raison pourquoi on les appelle Haddadiyya, c'est à cause d'un d'entre eux qui s'appelait Mahmoud Al-Haddad, un Égyptien qui vivait à Médine il y a quelques décennies. Et lui, il s'est mis à commencer à critiquer et à attaquer Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Et ensuite, les ulama, Cheikh Ibn Baz et Ibn Uthaymin, et ainsi de suite. Donc, lui, il s'appelait Mahmoud al-Haddad. Donc, tous ceux qui ont suivi sa voie, on les a par la suite appelés par ce nom-là, Haddadiyya, à cause de cette attitude-là qu'il avait. Et donc, le Cheikh, il dit, ces gens-là, ils ont inventé une autre chose maintenant dans la foi, et ils disent, si tu dis que la foi... c'est une parole et une action, puis que tu t'arrêtes là, et que tu ne dis pas en plus qu'elle augmente et qu'elle diminue, et que tu ne rajoutes pas en plus qu'elle diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, ils disent que dans ce cas-là, tu es un murji'a, toi aussi. C'est-à-dire que tu rentres dans la secte des murji'a. Alors que, le cheikh, c'est ce qu'il explique, c'est qu'il y a plein d'imams parmi les imams de la sunna qui se sont... quand on leur a posé à propos de la foi la question, qu'est-ce que c'est? Ils ont dit, c'est une parole et une action. Et ils n'ont pas dit plus que ça. Donc ça impliquerait que tous ces imams-là, c'est des murji'as selon eux, selon les haddadiyas. Et donc ça, c'est de l'exemple de leur extrémisme. Et donc c'est ce que le cheikh Rabi, ici, il essaie d'expliquer et de faire comprendre à quel point ces haddadiyas, à notre époque, sont exagérés. Et comment ils vont dans l'exagération et dans l'extrémisme, au point de même accuser les imams de la sunna de faire partie des murji'as. Donc c'est extrêmement grave. Et il a donné beaucoup d'exemples de ça. Et il explique que les haddadiyas, ils créent des fondements ou des principes, des règles, et ils les utilisent pour dénigrer les imams de l'islam et même pour les déclarer comme innovateurs. Ils veulent même essayer de déclarer innovateurs les imams de l'islam. Et ils critiquent aussi les imams du hadith. Et donc le cheikh, il mentionne certains de leurs égarements. Puis après, il dit que ce sont des ennemis de la voie des salafs et des imams des salafs, même s'ils se donnent l'apparence d'être salafis et ils se font passer pour des salafis. Et il dit qu'ils sont plus dangereux pour le manhaj des salafs, même que les gens de bid'ah. Pourquoi? Parce que celui qui montre clairement qu'il est sur une bid'ah quelconque, et qu'il fait partie des gens de la bid'ah. D'accord? Eh bien, il va faire du tort aux gens de la sunna, il va attaquer les gens de la sunna, mais ce n'est pas une surprise. Et on ne va pas être étonné. Mais quand c'est quelqu'un qui se présente comme étant sur la sunna, et qui dit qu'il est sur la voie des salafs, et qui se met à attaquer les gens de la sunna, et attaquer les salafis, là, c'est quelque chose qui est vraiment choquant en même temps. Hein? Et c'est quelque chose qui fait beaucoup de tort. Parce que, à cause de ça, beaucoup de gens vont se mettre à critiquer les salafis parce qu'ils vont dire « Regardez qu'est-ce qu'ils font. Regardez qu'est-ce que les salafis disent. Regardez qu'est-ce que les salafis ils font. Ils critiquent les salafis, ils critiquent les ulamas. » Donc ils salissent l'image des salafis. Et donc ils font du tort aux salafis et à la salafie. Hein. Et donc c'est pour ça que le cheikh, il donne ça comme exemple. Donc il dit, je crains que parmi ces gens-là, il y en ait qui soient en réalité des hérétiques ou des rafidas qui sont infiltrés et qui se font passer pour des salafis uniquement pour salir le manhaj salafi. Et ils se cachent derrière certains ulamas qui n'ont pas compris leur ruse et leur méthode pour faire du tort à l'islam et aux musulmans. Et donc il dit par exemple, que certains, par exemple, ils insultent les gens de la sunna, et ils considèrent les haddadiyas comme faisant partie des gens de la sunna. Ils disent, oh, regardez, les salafis ont de la division entre eux. Hein, souvent, les gens comme ça, même il y en a qui disent ça parmi les gens de bid'ah aujourd'hui, et parmi les hizbiyins, ils disent, regardez, les salafis sont tous divisés. Il y a tel groupe, il y a tel groupe, il y a tel groupe. Alors qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas des salafis. Hein? C'est une histoire qui m'est arrivée. Ça, c'est une chose qui m'est arrivée personnellement. J'étais parti dans un magasin, une épicerie. Et dans cette épicerie, les propriétaires, c'est des Libanais. OK? Et c'est des Libanais chiites. Hein, rafida. Donc, il déteste les gens de la sunna. Et celui qui était à la caisse, le caissier, c'est un Libanais, mais lui, il était chrétien. D'accord? Donc, le chiite, Rafidi, il a engagé un Libanais chrétien à la caisse. Et là, il y avait un Algérien, Kabyle. Non, il ne travaille pas avec lui, mais il vient acheter là-bas. Et lui, il est en train de discuter avec le Libanais chrétien. Mais lui, l'Algérien, il pense que le Libanais chrétien, il pense que c'est un musulman. Il ne sait pas que c'est un chrétien. Moi, je suis rentré avec un autre frère haïtien converti. Et là, l'Algérien était content de nous voir parce qu'il nous connaît, c'était le voisin de l'ami avec qui j'étais. Il a dit, ah, ces deux-là, c'est des Haïtiens, ils se sont convertis à l'islam. Et là, il était tout content, tu vois. Alors, le Libanais, lui, il a pas été, comme l'Algérien, il est content, il exprime sa fierté, ça. Il est heureux de voir que des gens sont convertis. Mais le Libanais chrétien, lui, il voit ça et dit, comme si ça le dérange. Comment ça, des chrétiens deviennent musulmans? Parce que lui, il est chrétien, donc il n'aime pas ça. Alors, on a commencé à expliquer. Je dis, non, vous les chrétiens, vous dites que Jésus, c'est Dieu ou fils de Dieu, alors que ça, c'est faux. Et là, il est bloqué, parce que son patron, c'est un musulman. Soi-disant, c'est un chiite, rafidi, mais c'est quand même musulman. S'il commence à critiquer l'islam, son patron, il ne va pas aimer ça. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait, le chrétien libanais? Il a commencé à dire, ah oui, mais si votre religion, elle est vraie, pourquoi vous, les musulmans, vous êtes divisés? Hein? Là, il a réfléchi, il a dit, ah, je vais les attaquer avec ça. Alors moi, je lui ai dit, tu sais, les musulmans, ils ne sont pas divisés, ils ne se sont jamais divisés. Parce que les gens qui s'accrochent au Coran et à la Sunna sont tous unis. J'ai dit, ceux qui se sont divisés, c'est ceux qui ont dévié de l'islam. Alors là, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, il sait que son patron, il est là. Il a dit, ah, qu'est-ce que tu dis alors des chiites? Et là, quand j'ai commencé à expliquer, j'ai dit, les chiites, c'est des gens qui sont déviés, ils ne sont pas des vrais musulmans. Ils adorent des imams, ils adorent ci, ils adorent ça, ils insultent les sahabas. Alors là, le chiite, il est venu, il a entendu ça, il a commencé à crier, il a commencé à s'énerver sur nous. Hein? Donc, tout ça pour dire, Yanni, comment les gens, les ennemis de l'islam, ils utilisent les divisions et les gens de bid'a pour, Yanni, contrer l'islam et opposer l'islam, tu vois. Et donc, ça donne un exemple comment ils rusent. Hein, comment ils rusent. Donc, ils utilisent la même voie aujourd'hui. Et quand ils voient des gens, par exemple, qui se disent salafis, mais qui contredisent la voie des salafs, eh bien, eux, ils sont contents de ça. Et ils disent, regardez, ils sont divisés. Et c'est des gens qui se disent salafis ou qui se disent sur la sunna, et ils sont divisés entre eux. Hein? Donc, le cheikh, il dit, nous, on leur dit, ces gens-là ne sont pas des gens de la sunna. Et ils sont comme vous, des ennemis de la sunna, même pire que vous, dans leur animosité envers les gens de la sunna. Il dit donc, ces gens-là, il dit, ne pensez pas, ô vous les rafidas, et ne vous réjouissez pas hein, que les gens de la sunna se sont divisés. Parce qu'en réalité, ces groupes-là que vous dites qui sont des divisions, à travers le manhaj salafi, c'est en réalité des groupes infiltrés dans la salafia qui sont là uniquement pour essayer de salir l'image de la salafia et de faire tomber les ulama de la salafia. Et ça a commencé avec Al-Haddad. Hein? Et Al-Haddad, quand il a commencé, il a critiqué qui? Ibn Taymiyyah, un des grands imams de la sunna. Et ensuite, il a commencé avec son élève aussi, Ibn al-Qayyim. Et après, il a commencé à critiquer, à attaquer la aqida al-Tahawiyyah. Hein, qui est écrit par un des élèves de Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, et d'autres par la suite, et jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'était leur première étape. On a vu donc beaucoup de mensonges, beaucoup de trahisons, beaucoup de perversité dans leur façon de mentir et d'attaquer les gens de la sunna. Et donc c'est comme ça qu'ils distraient les gens de la sunna de qu'est-ce qui est plus important. Hein, il les distrait de la défense de la sunna, de la da'wa, et ainsi de suite. Et ils prennent tout le temps qu'ils ont pour attaquer les imams de la sunna et essayer de les faire tomber. Et combien de règles qu'ils ont inventées, hein, qui ramènent yani, à faire beaucoup de tort et à critiquer les ulama et à rabaisser les ulama. Et donc, tu vois que dans les 10 imams, dans la citation que l'imam Sabouni a citée, parmi eux, il y a des grands ulama comme Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna. Ils ont tous dit que la foi est composée des paroles et des actions. Et dans cette citation-là en particulier, ils n'ont pas dit qu'elle augmente et qu'elle diminue, malgré qu'on sait très bien que ça fait partie de la position des gens de la Sunna. Mais ce n'était pas nécessaire pour eux, pour les imams des salafs, de mentionner cet élément-là à chaque moment ou à chaque fois qu'on leur posait la question. Parce que dans certaines réponses des imams, tu trouves que parfois ils vont uniquement dire par les paroles et les actions. Dans d'autres citations, ils rajoutent les paroles et les actions, elles augmentent et elles diminuent. Et dans d'autres contextes ou dans d'autres situations, ils vont rajouter d'autres détails selon la nécessité, hein, et selon qu'est-ce que les gens avaient besoin au moment où on leur posait la question. Et ils se concentrent sur ce qui est le plus important. Donc c'est pour cette raison-là que s'ils n'ont pas mentionné ça à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont des murji'a, hein, et ça n'a rien à voir. Il dit même l'imam al-Bukhari, dans sa aqidah, quand on lui a posé la question à propos de sa aqidah, il a dit « J'ai rencontré plus de 1000 cheikhs des différentes villes. » Et il a énuméré un nombre d'entre ces imams qu'il a rencontrés dans les différentes villes des pays musulmans. Et il a dit « Et parmi tous ces savants que j'ai rencontrés, plus que 1000 d'entre eux, ils ont tous dit » Et là, il a énuméré les différentes choses qu'ils ont mentionnées dans leurs croyances. Et parmi les éléments, il a dit que la foi est composée des paroles et des actions. Et il s'est limité à dire ça seulement. Il n'a pas mentionné que la foi augmente et qu'elle diminue. Tandis que l'imam Abu Hatim et Abu Zura, les deux imams qu'on appelle Ar-Razian, de la ville de Ar-Ray, ils ont été questionnés par le fils de Abu Hatim à propos de la position des gens de la Sunna au sujet des fondements de la religion et de la aqidah, des différents ulama des différentes régions et des différentes villes, des centres du monde musulman de l'époque. Ils les ont questionnés au sujet de la croyance de ces ulama, les imams et les ulama de la Sunna. Et ils ont répondu en disant, nous avons rencontré les ulama de toutes les villes du Hijaz. Hijaz, c'est quoi? C'est la région qui longe la mer Rouge de la péninsule arabe. Ça comprend la Mecque et Médine. On appelle cette région Al-Hijaz. Donc, ils disent les ulama du Hijaz, les ulama de l'Irak. Et l'Irak, ça comprend le Basra ou le Koufa et les autres grandes villes dans lesquelles il y avait beaucoup de savants. Et après, il a dit « Washaman », c'est-à-dire « Asham ». Asham, c'est la région qui comprend la Jordanie, la Palestine, la Jordanie, le Liban, la Syrie. Toute cette région-là, on appelle « Asham » en arabe. Et il dit « Wayamanan », le Yémen. Il dit « Et leur position » était, et là ils ont énuméré les différents éléments de la foi selon Ahl-Sunnah wal-Jama'a, et parmi ces éléments-là, ils ont mentionné que la foi est composée des paroles et des actions, qu'elle augmente et qu'elle diminue. Et ça, c'est tiré de la aqidah de Usul Sunnah des Razian. Ar-Razian, c'est une aqidah qui est célèbre, qui est connue. Et on l'a déjà expliqué, j'ai déjà fait deux charhs de cette aqidah, celui de Cheikh Zayd Al-Madkhali et celui de Cheikh Rabi' Al-Madkhali. Après, le Cheikh, il dit que les ulama de ces différentes régions-là, ils ont tous dit ça, même que avant eux, les Sahaba aussi. Ils n'ont pas rajouté qu'elle diminue et qu'elle diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Hein? Donc ça prouve que... Non, c'est pas faux. C'est vrai qu'elle diminue. La foi, elle peut diminuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. C'est vrai. Mais ce n'est pas une condition dans le sens que si tu ne mentionnes pas ça, ça ne veut pas dire que tu es un mourji. Parce qu'il y a des ulama qui l'ont mentionné dans certains contextes, mais ce n'est pas une condition de le mentionner à chaque fois. D'accord? Et donc, le cheikh, il dit إذا قال الإنسان ينقص وينقص حتى لا يبقى منه شيء فلا بأس، ولكن هل لا بد أن يقول هذا وإذا لم يقله فهو مرجع؟ لا، يعني هذا حكم مجرم على الصحابة. Donc le cheikh dit, si quelqu'un, un être humain, une personne, elle dit, la foi elle diminue, et elle peut diminuer et diminuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et ça c'est tiré d'une parole des salafs. Parmi eux, il y en a qui ont dit, la foi elle augmente jusqu'à ce qu'elle devienne comme des montagnes, et elle peut diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à ce qu'elle devienne le poids d'un atome. Et même qu'elle peut diminuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Donc, le cheikh, il a expliqué ici, il a dit, il dit, si quelqu'un dit ça, il n'y a pas de mal. Mais est-ce que, si tu ne dis pas ça, ou tu ne ramènes pas tous ces détails à chaque fois, ça veut dire que tu es un mourdi? Alors, il dit, ça, c'est un jugement qui est criminel. Parce que c'est comme si tu accuses les sahaba, les tabi'in et les imams de l'islam en les accusant d'être des murji'a. Et là, ça, c'est grave. D'accord? Et là, après, il mentionne la citation. Il a dit que parmi les imams, il y a Soufyan ibn Uyayna, qui était l'imam de Makkah à l'époque de l'imam Malik. L'imam Malik était l'imam de Médine. L'imam Malik ibn Anas, c'était l'imam de Médine. De Al-Madina, la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ibn Uyayna, Soufyan Ibn Uyayna, c'était l'imam, le mufti de Mecca à l'époque de l'imam Malik. Donc, quand les gens allaient à Médine, le mufti, c'était l'imam Malik. Et à la même époque, quand ils arrivaient à Mecca, le mufti, c'était Soufyan Ibn Uyayna. Des imams parmi les imams du hadith. Et donc, lui, c'est un imam parmi les imams des salafs, un grand savant, un grand imam. Non, ce n'est pas l'élève de Malik, c'est un contemporain de Malik. Un imam du même calibre que l'imam Malik, Naam, avec aussi l'imam Al-Layth en Égypte, à la même époque que l'imam Malik était imam à Médine, l'imam en Égypte, c'était Al-Layth ibn Sa'd. Et à Mecca, c'était Soufyan ibn Uyayna. Et, pour les jeux, Non, Layth ibn Sa'd, c'est un imam, un grand imam parmi les salafs. Et l'imam Shafi'i, il a étudié avec l'imam Malik, et après, il est parti en Égypte, il voulait étudier avec Layth ibn Sa'd. Mais, quand il est arrivé en Égypte, il était déjà mort. Rahimallah, il n'a pas pu étudier avec Al-Layth ibn Sa'd, mais sinon Al-Layth ibn Sa'd, c'est un grand imam parmi les salafs. Et il y a à la même époque en Irak Soufyan al-Thawri, le faqih de Al-Basra. Et à la même époque en Al-Sham, c'est l'imam Al-Awza'i. L'imam Al-Awza'i. Donc tous ces grands imams là, il y avait dans chaque ville, il y avait un imam. Et donc, l'imam Soufyan ibn Uyayna, il fait partie des 10 qui sont mentionnés parmi ceux à qui la personne avait posé la question au sujet de la foi. Il a dit, Al-Iman, qawlun wa amal. Et dans cette citation-là, il a dit, seulement qawlun wa amal. Les actions et les paroles et les actions. Mais en d'autres occasions, il a rajouté, qawlun wa amal yazid wa yankus. Les paroles et les actions. La foi comprend les paroles et les actions, elle augmente et elle diminue. Et il n'a pas dit plus que ça. Et dans d'autres contextes, il a rajouté, lorsque son frère, son petit frère, il lui a posé la question, il lui a dit, c'est les paroles et les actions, c'est composé des paroles et des actions, elle augmente et elle diminue. Et son petit frère, Ibrahim, il lui a posé la question, il a dit, oh Abu Mohammed, est-ce que tu dis qu'elle diminue la foi? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu, Soufiane? L'imam Soufyan, il a dit, tais-toi au petit garçon, au petit enfant. Elle peut diminuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Donc ça, c'est pour dire, yani, dans certains contextes, il élaborait et il rajoutait plus de détails pour clarifier. Mais ce n'était pas nécessaire à chaque fois de le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, dans certaines narrations, on a rapporté qu'il a dit, la foi, elle augmente jusqu'à ce qu'elle devienne comme des montagnes, et elle diminue, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un atome. Et à la fin, il a dit, même il diminue jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Et certains d'entre les Haddadiyah, ils ont dit, si tu dis pas ça, t'es un mourdier. Ça, c'est de l'exagération, ça. Ça, c'est de l'égarement de rajouter ça ou de croire ça. Donc, il dit, le cheikh, que ceux qui rajoutent que si tu dis pas jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, que si tu dis pas ça, t'es un mourdier, eh bien, il dit, c'est comme s'ils essayaient de dire que toute personne qui a une foi qui diminue, yani, il faut qu'il mentionne que ça peut, il peut même sortir de l'islam quand sa foi diminue. Walaykoum salam. Et le cheikh, il dit, ça c'est la voie des khawarij, qui font sortir de l'islam toute personne qui commet des péchés, et toute personne dont la foi diminue. Et il dit, ça c'est un madhab qui est un madhab de takfiri. C'est les takfiriens qui ont cette mentalité-là. Il dit, je crois qu'ils veulent arriver à cette conclusion-là, justement. Parce que c'est vrai que la foi peut diminuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. C'est possible que la foi diminue jusqu'à ce qu'il ne reste que le poids d'une pièce d'or, ou le poids de la moitié d'une pièce d'or, ou le poids d'une pièce d'argent, ou la moitié d'une pièce d'argent, ou le poids d'une graine de blé, ou plus petit que, il y en a la plus petite atome de foi. Donc ça veut dire que c'est pas nécessairement le fait que si ta foi diminue, il n'en reste plus, mais ça se peut qu'il reste une petite partie, ou une petite particule, même une atome de foi. Et ça va être suffisant pour te sauver de l'enfer éternel au jour de la résurrection. Donc, on... Oui, habbatu khardal est plus petit encore, yani miqdara, yani dharra. Yani al-dharra, c'est plus petit que habbatu khardal ou habbatu sha'ir. La yukhallad, la yukhallad fi nar man kana fi qalbihi, yani mithqalu dharratin min iman. Donc si quelqu'un il a un atome de foi dans le cœur, il ne va pas être éternellement dans l'enfer. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.